Bonjour. J'ai donné une entrevue à David Lévesque. Il y a une première partie qui est sur sa chaîne et vous avez deux autres parties. Ça rentrait pas l'image, mais les deux autres parties sont beaucoup plus intéressantes. C'est sur Odyssée. Si vous allez dans la description de l'entrevue que j'ai donnée à Monsieur Lévesque là, sur sa chaîne David Lève, vous avez le lien pour aller sur Odyssée. Ceux qui trouvent que je fais des petites capsules courtes, là, ça dure 2 heures et demie. Si vous suivez là, la première entrevue qui est sur YouTube, puis ensuite les deux autres qui sont sur Odyssée. Mais les deux autres, il n'y a pas d'image parce que le format, ils ont eu de la misère avec le format. Bon. Monsieur Legault va de l'avant. Il va nous annoncer son passeport vaccinal. Il dit pas passe sanitaire parce que il faut pas trop que ça paraisse que c'est pas toute la même chose partout. Hein? Parce que on va se le dire franchement, là, on va se l'avouer, tout ça, là, c'est fomenté dans des loges. OK? Il y a le Grand Orient de France, il y a la Grande Loge du Québec, puis dans le fond, c'est tout lié. Puis c'est là que tout est décidé, dans le sens qu'eux reçoivent leurs ordres. C'est-à-dire que ce sont des exécutants. Parce que ça, c'est pas si haut que ça, là. Ces histoires-là, de loges puis de cossins, il y a d'autres choses plus haut, puis il y a d'autres choses plus haut, puis il y a d'autres choses plus haut, tout le temps. Puis, comme je l'ai déjà dit, l'état de droit a été défini par John Stuart Mill comme étant la non-hiérarchisation des citoyennetés. Nous, je savais, moi, que nous n'étions pas dans un état de droit depuis au moins. J'étais assez jeune quand je me suis rendu compte de ça. Eh bien maintenant, ça va devenir officiel. Et puis, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'opposition. Madame Anglade, ça a passé par là. Vous le voyez, il n'y en a pas d'opposition. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Maintenant, il va possiblement y avoir un petit soulèvement. Ça fait partie du calcul et c'est voulu par ces gens. Et de toute façon, on pouvait voir venir ça, là, le fils de Jean-Marc Léger, puis Monsieur Martineau, puis et compagnie, ils en appelaient à ça. Puis toutes les autres corrompus. Bon. Là, Stéphane Blais, moi j'avais dit que quand il allait imposer le masque, lui parlait d'une injonction. Je l'avais dit là, on va voir jusqu'à quel point c'est corrompu. Mais je parlais pas nécessairement de M. Blais, mais surtout des juges. Les juges sont corrompus, ils l'ont toujours été. Il y a un vieux notaire de ma connaissance qui disait, il faut appeler ça votre honneur, puis c'est toutes des crapules. Maintenant, là, par rapport à M. Blais, j'étais très en colère contre lui dès le début. Vous vous souvenez, il y a un père de famille qui avait été arrêté sur la plage, là, sur une plage. Puis lui, il avait dit, ne faites rien. Nous, on va vous protéger. Ça serait le temps de réaliser que ça ne marche pas comme ça. Puis que, si là encore, on a le triangle de Cartman, puis lui, il est dans le rôle sauveur-victime, mais dans le fond, il doit être possiblement chum avec autre chose. OK? Là, par rapport à M. Cossette Trudel, j'aurais beaucoup aimé qu'on se concentre sur notre pays, notre coin de pays, puis d'arrêter de faire des diversions par rapport à des. Même quand Trump, il fait quoi qu'il n'y a pas d'allure, c'est tout le temps. Ah, oh, c'est une stratégie géniale. C'est parce que Trump, il joue à l'imbécile, c'en est pas. Hein? Qu'est-ce qui est écrit par rapport aux orgueilleux qui élèvent des tours. La ziggoura de Trump à New York, sa tour de Babel à lui. Moi, j'en ai plein. Je dis pas qu'il n'y a pas possiblement possibilité d'avoir un espoir de ce côté-là. Mais ça doit pas nous détourner de ce qui se passe ici, de notre corruption à nous, de nos élus corrompus à nous. Ici, localement, ça devrait, depuis le début, ça devrait toujours avoir été ça. Lui, là, M. Cossette-Trudel, il nous parle d'une vision en tunnel, puis lui qui a fait des arts martiaux, il devrait savoir que la vision en tunnel, c'est jamais bon signe, que c'est pas bon, qu'être focus, c'est pas ça. J'en ai vraiment plein. Je suis pas de bonne humeur. Ça fait 35 ans et plus que je suis pas de bonne humeur, mais là, je suis vraiment pas de bonne humeur. Parce que j'ai beau dire, bon, je trouve les Québécois naïfs, mais comme je l'ai dit avant, je les trouve aussi lâches, je les trouve poltrons, je les trouve cons. Là, je parle en général au large. Il faudrait commencer à être un petit peu plus actif que de marcher, là. On vous fait marcher, puis vous marchez. Moi, j'ai jamais été dans une marche, puis j'irai jamais. Parce que je le sais que c'est pas là que ça se joue. C'est de la collusion, c'est de la corruption, puis c'est lié à toutes des maudites histoires de société. Puis là-dedans, là, je mets ça là, au sens large, même des chambres de commerce de petites municipalités. C'est très important au niveau des petites municipalités d'évincer la corruption. Ici, là, j'ai un maire, là, il a publié son agenda 21-30, puis c'est très vague, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils attendent les ordres. C'est la même histoire depuis des millénaires. L'être humain, à ce niveau-là, ne change pas. C'est un anthropoïde sophistiqué, sous influence au niveau social, par rapport à une hiérarchie sociale. Comme des singes, là, ils vont s'hiérarchiser ou des loups. C'est à ça qu'on a affaire. On a affaire à des espèces de zombies qui, eux, ils ont la vision en tunnel. Ils sont focus sur leur intérêt à eux. Ils comprennent pas qu'à long terme, ça va les toucher eux aussi. C'est qui les petits comiques qui se mettent des masques pour des cérémonies, qui font des dessins avec du charbon bénit par terre, des choses ridicules? Moi, c'est immédiatement à ça que j'ai pensé quand j'ai vu la forme que ça prenait, ces espèces de rituels collectifs-là. Ça pue la perversion à plein nez, de toutes les façons possibles, puis sous toutes les formes. Dès là, que, comme là, ici, là, dans ma petite municipalité, je vois des gens, ils marchent sur la rue, ils sont tout seuls, puis ils ont leur serviette sanitaire. Je peux pas me permettre de leur dire qu'est-ce que tu fais là, puis tout, parce que jusqu'à un certain point, il faut être indulgent envers les individus. Mais les individus qui se servent de collectifs derrière eux, pour ça, non. Et on n'est plus à un temps de l'indulgence. À un moment donné, il y a un animateur de radio bien connu qui parle surtout de sujets, en tout cas, qui écrit des livres pleins de fautes. Puis, lui, à un moment donné, il avait dit quelque chose à Denis Lévesque. Ça m'avait tellement mis en colère. Ça m'avait tellement mis en colère. Je suis allé me coucher dans une pièce que j'avais aménagée pour ça, la tête au nord. Puis j'ai décidé de l'attaquer par télépsychie. S'il n'y avait pas, par après, redonné une entrevue où il disait « J'ai subi une attaque extraordinaire, bla bla bla bla », je ne l'aurais jamais su que ça avait fonctionné. Puis le fait que lui, là, il a un tablier puis des petits gants dans une petite valise chez lui, c'est lui qui l'a dit. Il avait un blog, là, ou un site, puis il l'avait mis. Puis il a enlevé ça n'a pas été long. Ces gens-là n'ont pas de discernement, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de conscience. Puis, comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien dans le code criminel contre la télépsychie. Ces gens-là, on a leur face, on a leur voix, on peut reconnaître leurs vibrations dans l'éther, les retrouver très rapidement. Puis, ce que les Haïtiens connaissent là, sous le nom de serrement du cœur, là, ça a jamais été démontré scientifiquement parce que des gens veulent pas que ça se sache. Mais pour moi, ce sont des choses réelles, factuelles. Là, on nous fait chier que c'est une guerre, puis c'est une guerre. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir la faire, la guerre. On nous met au banc, on nous accule au pied du mur, puis comment ils nous acculent au pied du mur en s'étirant leurs maudites bretelles jusqu'au pan de mur pour mieux se les claquer sur les épaules. Je suis fatigué de ce type d'individu. Il y a toutes sortes de façons indétectables de se défendre. C'est vraiment du harcèlement, c'est de la violence psychologique, puis il est prévu que ça prenne fin. On me reproche que je suis un chialeux, que je propose pas de solution. Écoutez là, tout est écrit d'avance. C'est juste qu'à un certain point, ça pourrait dire que c'est écrit dans le ciel. Il va falloir, à un moment donné, assumer son rôle. Pas au sens d'une mission, au sens d'un mandat. Moi, là, personnellement, j'accepterai pas ça. Je peux pas. J'en suis incapable. Ce n'est pas dans ma nature. Ce n'est pas dans mon ADN. L'ADN qui fait que j'ai des traits harmonieux. Le même principe qui fait que nous sommes gouvernés par des êtres extrêmement laids, peu articulés, au QI très moyen. Des gens qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont habiles en société. Pourquoi? Parce qu'ils ont des individualités extrêmement faibles. Ça prend toute une volonté pour se construire tout seul, à part, dans l'adversité, dans une austérité qu'on s'impose soi-même souvent. Qu'est-ce qui est écrit dans la Genèse? Il est écrit, ça me surprit beaucoup, la Genèse du réel de Bernard. Là, je parle pas de la Genèse dans le Pentateuque. Il est écrit que les individus deviendront leurs propres journalistes et qu'ils se serviront. Puis c'est écrit mot pour mot. Faudrait que je retrouve le. J'avais noté la page, mais il y a quelqu'un qui m'a déplié le coin que j'avais. Puis comme j'avais beaucoup de marques comme ça, ben je le retrouve pas. Il faudrait que je le relise tout ce chapitre-là, mais Bernard il avait dit avec les réseaux informatiques, les réseaux sociaux informatiques, quelque chose comme ça, faut le faire là, pour quelque chose qui a été publié en 88, je pense, 87, 88. C'est en train de se passer et c'est très important. Donc on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Parce que c'est maintenant la fin. Regardez comme ces gens-là reprennent le langage. Moi, je vous avais dit en 2017, il est minuit moins 5. Claude Dubé, il vient nous dire qu'il est minuit moins 1. Non, pas encore. Pas encore. C'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas accès à une vraie horloge interne, si on peut dire. Ils ne savent pas l'heure. On leur dit l'heure. Ben là, il commencerait temps d'être un peu moins passif. Puis moi, pour ma part, je vais essayer de prendre des dispositions. Admettons là, qu'il m'arrivait quelque chose pour que David Lev soit averti puis qu'il puisse avertir les gens. Parce que je suis paré à toute éventualité. Parce qu'on a affaire à des gens tellement méchants. Des méchants au sens ancien du terme. Ce qu'on appelait la race des méchants. C'est-à-dire un ADN altéré. Pourquoi? Par d'autres choses qui se servent de. Puis ils n'ont pas l'air de comprendre ça, eux autres. Puis ça fait partie de leur affaire de ne pas comprendre. Ces gens-là voient ce qu'ils veulent voir, puis ils comprennent ce qu'ils ont la capacité de comprendre. De prendre. Parce que là, on n'est plus à comprendre ou à apprendre, on est à prendre. Il va falloir prendre. C'est dommage, mais on ne peut pas accepter que des lignées de barbares qui ont envahi les îles britanniques, qui viennent même pas de là, que ces gens-là, moi, je ne suis pas capable. J'en suis incapable. Vraiment. Donc, on verra. Nous n'aurons pas le choix. On est rendu, c'est pas la fin du monde, c'est la fin des temps, dans le sens que le cycle, ça prend fin. Prenez par exemple là, dans l'alphabet hébreu, d'ailleurs, qui n'a rien d'hébreu, qui vient d'autre chose. Il y a la lettre Samech, Samech. C'est le son. C'est la seule lettre qui est fermée. C'est comme un cercle qui tourne en rond. Ça a une forme carrée à cause de l'hébreu moderne, la façon dont il l'a. Mais c'est un oméga, si on peut dire. Mais au niveau de l'hébreu, c'est le son d'un serpent à sornette. Qu'est-ce qui est écrit dans la Genèse? Pas celle de Bernard, l'autre. Est-ce que, par exemple, Ève, qui a mis une allégorie un peu, est-ce qu'elle a été convaincue par une parole? Non, c'est écrit très clairement, elle a été séduite par un discours. C'est dans ces termes-là. Puis même si on remonte à des traductions plus anciennes, à des versions plus anciennes, ça revient à ça. Il est question de l'intellect, ce qu'on appelle le mental inférieur. Il y a des êtres, ils ont même pas de. Il n'y a pas autre chose. Il ne peut pas avoir autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont restreints par une génétique altérée. C'est très ancien et ça achève. On me demande si j'ai des solutions à proposer. J'ai pas d'autres solutions à vous proposer que ce que je vous dis là. De toute façon, c'est perdu d'avance pour eux. C'est pour ça que ça va être probablement, comme Bernard à un moment donné disait à sa salle, à une salle, il disait, il y en a beaucoup parmi vous autres qui vont se suicider. C'est sûr qu'on va perdre du monde. C'est sûr qu'il va y avoir des événements tragiques. Ça peut pas faire autrement. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dans tout ça? J'ai été confronté à une personne des services de santé, services sociaux dernièrement, qui me disait, qu'est-ce que tu vas faire? Il essayait de me faire parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui disais rien. Moi, je fais rien. J'ai rien à faire. Je suis pas là pour agir à ce niveau-là. Ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, là. Dans le sens que moi, en tant que go, je fais rien. En tant que petit citoyen tout seul, tout nu dans la rue, je fais rien. Il n'est pas question que je fasse rien. Moi, je ne suis pas un danger. Pas question qu'on m'identifie comme tel, comme un danger. Je ne fais rien, moi. Ah, à ce niveau-là, je suis passif. Mais rira bien qui rira le dernier. Là, M. Legault, il va faire sa conférence là, avec les deux autres stooges. Et ça va être beau. Ça va être beau. Ils auront beau essayer de nous faire accroire n'importe quoi par rapport au sondage, le léger marketing, qui est le même faiseur d'opinion que TVA. TVA qui est devenu le radio CAQ, là. À un moment donné, ça va suffire. Puis il va en avoir encore plus de démissions. Il y en a une autre qui était partie à la retraite, une retraite anticipée, c'est la DPCP, puis elle a été remplacée par une autre. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe, ça. Il y a aussi, je pense, la dame qui était directrice de la protection de la jeunesse, là, qui a été remplacée à un certain moment. Ça non plus, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ça fait 2 ans et plus qu'ils sont en train de placer des pièces, là, sur l'échiquier, puis on peut pas se contenter de se laisser faire dans le sens que il y a des gens qui vont agir, puis ils vont être mis en vibration, puis ils vont agir. Mais ce ne sera pas moi. Pas à ce niveau-là. Je vais toujours m'arranger, moi, que j'ai rien à me reprocher d'aucune façon. Aucune façon. Mais c'est certain que j'irai pas marcher dans la rue avec des chamanesses de pacotille. On veut savoir, on sent d'où ça vient. Puis M. Blais, là, ne faites rien par vous-même. On va vous protéger. Ah, ouais. OK. T'es bien mieux de faire tes preuves vite parce que l'horloge a. Tic-tac, tic-tac. Parce que les gens, ils sont pas tous des débiles, là. On n'est pas tous des débiles. Je dis pas qu'il y en a. Pas. Il y en a. Il y en a que c'est pas mal débile. Mais même là, il faut être indulgent. C'est comme le fils de Jean-Marc Léger. Moi, jamais j'oserais m'attaquer directement à lui ou même l'insulter. Pourquoi? Parce que c'est un. Lui, il est sous influence. Il veut faire plaisir à son père. Puis, regardez là, les photos qu'il y a eues quand François Legault a voulu vendre sa maison. J'ai reconnu tout de suite les chambres de ses fils. Même s'il y en a un qui est dans la trentaine assez avancée, puis l'autre fin vingtaine, on dirait des chambres d'ados. On dirait des chambres d'enfants. Avez-vous vu comment il parle à sa conjointe en public? On a affaire à des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui n'ont pas de classe, qui n'ont pas de charisme. C'est très mauvais signe. Les gens qui nous gouvernent, qui sont élus, sont de plus en plus laids. Ils sont peu articulés. Regardez Dr. Arruda. Pas capable de dire le variant britannique. Variant UK. Comme là, M. Dubé est en vacances. Qui prendrait des vacances en situation de crise comme ça? Au niveau de gens qui représentent une autorité au sens actif du terme, qui sont supposément en charge de. Qui prendrait des vacances? On se moque de nous. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qui est grisant. On a affaire à des espèces de drogués. Des drogués au pouvoir, à l'argent, à l'influence. Des êtres médiocres. Combien de fois je vais devoir le dire ça? Ce sont des médiocres. Moi, ma députée ici pour la CRAC, là, qui a été élue, elle a un passé. C'est une mondaine. C'est le paraître. Cette femme-là se prend tellement pour une autre qu'elle a de la difficulté à marcher dans la rue. On dirait une petite poupée mécanique avec le nez en l'air. Et puis, dès qu'elle rencontre quelqu'un, immédiatement, c'est dans l'artificiel. Ah, bonjour, vous, blablabla. Et puis, on sent derrière une nunuche, une idiote, une pauvre conne. Puis, mon but, c'est pas d'insulter des gens, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Parce qu'en arrière des chats, il y a des chiens, puis en arrière des chiens, il y a des singes. Puis il va falloir à un moment donné redéfinir le bestiaire. Parce que c'est ce à quoi nous avons affaire, un bestiaire. On dirait même, jamais j'aurais cru voir des êtres aussi bas. Tu vois, dans tous les sens du terme, ils sont bas, c'est de la bassesse. De toutes les façons possibles. Regardez Dr. Arruda avec ses petites breloques, ses petits bracelets en or blanc. C'est quoi ça? C'est ça un dirigeant? Il y a l'autre là, Québec solidaire est plus viril que lui, là, elle. On dirait une patate dans une poche de jute. Avec une belle moustache stalinienne. Mon but, c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être méprisant, c'est d'avoir une réponse ajustée. Il faut s'ajuster. Regardez en France, là. Un banquier des Rothschild marionnettisé avec Attali encore en arrière, là, il faudrait commencer à allumer plus. Mais là, il est un peu tard pour ça. Fait qu'il va falloir allumer d'autres choses. Il y a Voltaire, il disait quoi? Il disait, cet homme que je déteste, il l'avait écrit, ou on lui attribue une citation, possiblement, peut-être que c'est même pas, ça vient même pas de lui. Mais lui, il appelait certaines choses l'infâme, oui, c'est devenu informe, infâme, mais bon. Il disait, la seule église qui éclaire, c'est celle qui brûle. On pourrait dire la même chose des maudites loges. J'en ai plus qu'assez de ce type de corporatisme qui est affilié avec tout, les clubs de golf dans les municipalités, les kiwanis, même les salles de royaume des témoins de Jéhovah, ça trempe là-dedans. Par trois fois, ces gens-là sont venus me voir. Ils me faisaient des poignées de main, ils me ramassaient le bout de la main, puis ils essayaient de faire leur cochonnerie parce qu'ils ne comprennent pas que je puisse parler de certaines choses parce que ce sont des initiés de la connaissance, il faut que ça vienne au niveau sociétal par d'autres. Donc, ils veulent vérifier d'où je viens, d'où je sors, c'est quoi le problème, comment ça se fait. Il y en a même deux, ils sont venus me voir, ils se faisaient passer pour des témoins de Jéhovah. Ils n'avaient pas de pamphlet ni rien. On était le soir en plus. C'était très étrange. Mais j'ai tout de suite vu. Puis là, ils étaient là dans l'embrasure de la porte, puis regardaient ma bibliothèque, puis essayaient de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre parce que vous êtes des cabochons qui comprennent rien. Là, je m'adresse à ces gens-là. Et ça va finir. Ça va finir par finir. Ça, nous n'avons pas le choix. Moi, me faire mettre au pied du mur comme ça, là, tout ce que je voulais, moi, c'est un petit jardin, un coin tranquille, une petite maison. Vous êtes en train de me créer un monde à votre image, à vous autres, que moi, dont moi, je ne veux pas, qui ne m'intéresse pas. Et puis là, je me sens ébranlé dans ma paix. Je me sens ébranlé dans ma possibilité d'harmonie. C'est pas vrai, ça, que je vais laisser des gens malades me dire quoi manger. C'est pas vrai, ça, que je vais laisser des gens malades me faire la morale. Il n'en est pas question. Et nous sommes plusieurs. C'est pas comme le démon Légion, là, mais il reste qu'on est Légion pareil. Sauf que c'est pas démoniaque. Au contraire. Au contraire. Et puis là, les histoires de servir du communautarisme de telle gang puis de telle gang, ça ne fonctionnera pas. Ça marchera pas. Vous êtes trop cons. Vous êtes trop cave. Puis moi, ça me dérange pas là, que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, mon petit passage sur Terre se finisse. Ça me fait pas peur 2 secondes. Puis là, c'est pas des menaces, c'est une réponse à des menaces qu'on m'a faites souvent. Des menaces de mort, j'en ai eu. Des téléphones anonymes, j'en ai eu. C'est pour ça que je n'ai pas le téléphone depuis des années. C'est pour ça que j'ai pas de compte Facebook. C'est pour ça plein, plein, plein de choses. Parce que vous n'êtes même pas à la hauteur de vos menaces. De toute façon, quand on a l'intention d'agir comme ça envers quelqu'un, on ne l'avertit pas. Si on lui en parle plus souvent qu'autrement, c'est simplement de l'intimidation. C'est M. Legault, il parlait, oh, des pissous, blablabla. Toi, t'es un petit bouli. OK? Je suis capable de reconnaître un petit bouli quand j'en vois un. Puis, moi, tout, je suis allé à l'école, imaginez-vous donc. Puis, ça n'a jamais marché avec moi. C'est pas long que ma réputation se faisait, que j'étais vu comme quelqu'un de. Non, ça peut pas fonctionner, puis ça fonctionnera pas. Parce que je suis certainement pas tout seul. Ça se peut pas, là. On est beaucoup. Pourquoi? Parce que j'en suis sûr, c'est tout. J'en suis certain, je le sais. Donc, merci beaucoup pour tout. Et puis, à un moment ou à un autre, on vous rendra le change. On vous rendra le change. Et puis, les petits serviteurs méprisants qui occupent les tribunes, les chroniques, et puis ils se rendent pas compte, là. C'est vraiment des gnochons. Il s'agit d'essayer de les lire. C'est essayer de les lire parce que c'est très difficile pour moi. Pour ce que je décroche, c'est pas intéressant, c'est mal écrit, c'est pas bon. On voit tout de suite où ils veulent en venir. Et puis, c'est tout le temps des processus sophistiques ou bien des processus d'association qui, comme Madame là, Bombardier, elle a fait un texte à un moment donné. Puis, je voyais là, les tactiques de psychologie utilisées pour, par association au niveau de l'inconscient, induire certaines choses. C'est très, très, très grossièrement fait. Vous n'êtes pas habile, madame. Vous n'êtes pas très bonne à ces jeux-là. Je vous aimais mieux quand vous étiez honnête. Et maintenant, ben, vous valez pas mieux que Gabriel Masnieff à mes yeux. C'est la même chose, ça revient au même. Vous êtes des violeurs de conscience. Vous êtes des corrupteurs d'individus. Puis là, vous ne cessez pas de provoquer, d'insulter la population, de la menacer, de lui faire du chantage, d'être insultant envers leur intelligence, parce que vous considérez les gens comme des moins que rien, comme du bétail, comme des coquerelles. Mais à force de persécuter des coquerelles d'une façon malhabile, vous ne ferez rien d'autre que de créer des coquerelles plus résistantes, plus fortes. Puis vous n'avez pas l'air de comprendre qu'en haut, ceux qui vous donnent des ordres, ils ont possiblement l'intention de se servir du peuple pour vous éliminer au cours du processus. Vous êtes trop con. Donc c'est ça, à part ça, j'ai donné une entrevue à David Lévesque. Je vous suggère de vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis pour la suite de l'entrevue, ben le reste est sur Odyssée en deux parties. J'en ai peut-être dit pas mal des choses que lui, il aimera pas. Il n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord, peut-être, mais parce que je vais un petit peu loin. Mais là, à un moment donné, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin parce que on nous y invite à y aller au ralenti de reculons. Non, non, allons-y de l'avant. Et surtout, n'ayons pas peur. Ils sont pas très épeurants, au fond. Donc, merci beaucoup. Au revoir.